Il a souvent les yeux d'un ange, il a le cœur noir du démon. Mais il a de façon étrange cette force de séduction, cette assurance qui dérange, cette envie qui ne veut pas mourir, que tout doit lui appartenir. Je ne sais pas moi qui le connais, si un cœur battait sous sa veste, si ce n'est pas que je l'aimais, il faudrait que je le déteste. Je ne pourrais pas l'oublier, même si au fond je le voulais. Je l'aime autant que je le hais, l'homme qui a tout, mais qui n'a rien. Celui qui veut tout posséder sans jamais pouvoir le garder. L'homme qui a tout, mais qui ne voit rien. De l'amour qui passe à côté de lui sans jamais s'arrêter. S'il a souvent les yeux qui pleurent, ce n'est jamais parce qu'il est triste. C'est que dans le rôle du menteur, qu'il est le meilleur des artistes. Mais même moi qui le connais, je ne sais jamais où est l'acteur. Je l'aime autant que je le hais, l'homme qui a tout, mais qui n'a rien. Celui qui veut tout posséder sans jamais pouvoir le garder. L'homme qui a tout, mais qui ne voit rien. De l'amour qui passe à côté de lui sans jamais s'arrêter.